ceux qui perdent connaissance à la simple vue du sample. M-U-G-E-M, en chair et en sang, au son chair et d'un certain sens, enrichissant. Pas de disque en or, mais une envie de nuire. Ou MC au son merdique qui noie le rap dans les goûts. F-I-E-R, car ce disque en or, votre envie d'ouïr. Du son si éclectique, il y en aura pour tous les goûts. Imprenable et mon fort, il n'a pas de faille. MC, je le jure, sur ma vie comme vaille. Écoute, Mugen, c'est le son d'un samouraï. Un synthé, un mic, comme ça la tiraille, ça les fourraille. Tu connais la musique, mais bout de ça désormais. Je monte le niveau d'un cran et c'est à peine le second. Pas là pour m'amuser, je me battrai même désarmé. Je décimerai désarmé en à peine de secondes. S'il le fallait, donc sa mère, mon son n'est pas de ce monde. Et quand je tire, c'est pour tuer, pas de sommation ni de semence. Des parrains sont de ce monstre, disent-ils avant que ça pète. Toxiques sont mes semences, chouette récolte et la tempête. Toujours présent, je mange le mille. Le son d'un samouraï. M-U-G-E-L. Au front effronté, je fous le rap. Sans dessus dessous, je tranche le